Dans la Un monologue de Grenoble, là, aujourd'hui. Musique et solipsisme. Du coup, je vais mettre que des morceaux dans lesquels je joue un instrument. Je chante. Voilà. Une bonne illustration de ce qu'est le solipsisme. En plus, on peut rajouter une couche en ajoutant les flux. Ça fait encore plus solipsisme. Voilà. La boucle infinie. Toi. Et comment ça va? J'espère que ça va bien. Je suis très content de faire cette émission. J'ai de petites bouteilles de bière. Bref. Ce morceau, c'est Garlic 2 dans. Et j'ai choisi ce morceau parce que c'est. Aujourd'hui, c'était l'étape cruciale du Tour de France qui partait de Grenoble, où j'habite. Et ce morceau contient dans son refrain les mots plateau et chaîne du vélo. Je vais essayer de mettre des choses, inédites, mais pas uniquement. Voilà. Qu'est-ce que c'est que ça? Ouais. Voilà, j'espère que tout le monde va bien. J'ai une bière que je croyais être une bière au froment. Enfin, sans gluten, mais en fait c'est faux. Donc c'est la Erdinger Weissbier. Si jamais, ne vous faites pas avoir. Derrière, c'est marqué bière de froment. Je vais mettre un morceau de Drosophile, enregistré en 2011, mais qui n'a jamais été sorti. L'album Mulan. C'était un morceau de Mulan Serico, sorti sur SDZ. Drosophile, il y avait aussi un 45 tours sorti sur SDZ. Big up à Nico. Et voilà. Donc ça, c'est des morceaux qu'on a enregistrés après qui sont beaucoup plus rêches. Voilà, on va écouter ça et on va voir ce qu'on en pense. 2011, on a enregistré ça. C'était Gueule Ouverte, c'est toujours Gueule Ouverte, avec Grenoble pour toujours. Et avant c'était Marre de Bosser, comme c'est assez compréhensible. Le titre, je veux dire, c'était compréhensible, c'était facile de comprendre que le titre c'était Marre de Bosser. Gueule Ouverte, c'est Régis, Victor et moi-même en 2011 aussi, voilà, 2011, donc plutôt énervé. Voilà, donc la prévision de Grenoble pour toujours s'est réalisée, parce que je suis toujours à Grenoble. Et sinon, après, avec Régis, on a fait un autre disque sous un autre nom, Jack Nicklaus Tribute Band. Le disque est sorti l'année dernière, je crois, il y a 2 ans. Voilà, et ça c'est le dernier morceau qui s'appelle Liberté. Allez. meilleur morceau de l'album, qui s'appelle Nina Caprez, en l'honneur de cette grimpeuse suisse-allemande qu'on a croisé un jour, Régis et moi, à Grenoble, sur le marché, qui habite à Grenoble d'ailleurs, je sais plus. On va écouter un autre morceau de cet album, c'est El Capitan. El Capitan qui est un parcours connu dans les Rocheuses. Juste la fréquence de la radio. Les pêches pourrissent doucement. Certains jours où le vin sur le parking des pigeons survivent. album sorti sur Stochastic Releases. Régis a fait un album sorti pendant le confinement. Marathon, ça s'appelle. Juste écouter 2-3 albums de 15 morceaux. Col de la Loz, apparemment c'est la première fois qu'il l'ouvrait et c'était un chemin et ils l'ont bitumé pour le Tour de France quoi. Avec des pentes à 20% je crois. Bah, on n'a pas bien vu. Enfin il y a quelqu'un qui a gagné malgré tout quoi. Bref, merci Régis. On va mettre un morceau du Chevalier de Rinchy. Macnocchina, Macnocchina, tes drapeaux sont noirs dans le vent, ils sont noirs de notre peine, ils sont rouges de notre sang, ils sont noirs de notre peine, ils sont rouges de notre sang. Par les monts et par les plaines, dans la neige et dans le vent, à travers toutes Makhnovchina, Makhnovchina, armée noire de nos partisans qui combattaient en Ukraine contre les rouges et les blancs. Qui combattaient en Ukraine contre les rouges et les blancs. Makhnovchina, Makhnovchina, armée noire de nos partisans qui voulaient chasser d'Ukraine à jamais tous les tyrans. Qui voulaient chasser d'Ukraine à jamais tous les tyrans. Makhnovchina, Makhnovchina, tes drapeaux sont noirs dans le vent. Ils sont noirs. Ouais, Makhnov China. Ça, le nom est tiré de l'anarchiste ukrainien Nestor Makhno. Je vais pas faire l'histoire, mais vous avez compris de quoi il s'agissait. Chevalier de Rachi a sorti un album il y a pas très longtemps qui s'appelle Espace Reggae Révolution sur le label du vilain chien. Et en parlant de solipsisme, donc là le solipsisme, je m'en suis un peu écarté comme quoi le solipsisme n'est pas donné à tout le monde, puisque voilà. Est-ce que c'est pas mieux? En fait, est-ce que c'est quand même mieux de sortir du solipsisme? Retournons dans le solipsisme et passons un morceau de Mulan Serico, un autre, qui s'appelle Les stratégies d'échec qui réussissent, dans lequel le thème de l'émission est énoncé. Thank you. Ça vous a plu ce morceau? Ah si, c'était bien, on peut mettre ça, oui. Bon, c'est pas un morceau que dont j'ai participé, auquel j'ai participé, mais c'est quand même un morceau fondateur. C'est Minal, mais ça se dit pas en français, je crois. John Mouse. On peut écouter ça un petit moment. Si des auditeurs ont une opinion sur Lyon. Ou une autre ville de province en général. Il reste 21 minutes. Il y a encore pas mal de morceaux à mettre. Alors je vais mettre ce morceau là. Ce week-end, je suis allé à Cor. C'est sur la route de Gap, entre Grenoble et Gap. C'est une ville de passage avec des motards et surtout qui est dominée par l'Obiou, qui est le point culminant du dévolu. Je fais un morceau qui s'appelle L'Opium, tout simplement. La semaine dernière, non, l'année dernière. Donc vous allez voir l'écart qui existe entre Gueule Ouverte et Sport Tranquille. Il y a quoi, 8 ans? 7 ans, allez, 7 ans d'écart. Ramollissement, quoi. Thank you. c'est le monologue de Grenoble. Avec votre invité, Nicolas. Émission spéciale Solipsisme, donc je passe que des morceaux de moi. Une fois n'est pas coutume. Un morceau de Macon sorti en 2016, 2015, 2016, 2017. We'll be right back. Ouais. Quelqu'un a des vues sur une opinion sur le mot projet. Si quelqu'un a une opinion sur le mot projet ou alors sur la ville de Lyon, qui m'en fasse part sur le chat, je serais assez curieux d'entendre. Et on parle de plantage. Difficile à comprendre. Et je voulais savoir aussi si le stream passait bien, parce que j'ai remarqué qu'il y a des streams en fait sur Pinot qui coupent beaucoup. Si je mets par exemple, si je vais faire un petit tour, voilà, par exemple les étoiles flottantes, ça coupe pas mal. Le monologue de Grenoble. Non, bah, ça a l'air d'aller. Si on met Radio Sonic Prothèse, je crois que c'est pas mal. Here I am. Ouais, tiens, j'ai déjà entendu ça d'ailleurs. Meta Radio. Les imprimantes. Ça roule. Voilà, bon, bah, il y en a d'autres. Alors, il y a un stream que j'aimerais bien. Il y a Maze Mode, alors bon, c'est dommage, il coupe. Eh ouais, dommage. Amiga and Tracker Music Culture, c'est ce que je fais en ce moment, un peu du tracker. D'ailleurs, pourquoi je mettrais pas un petit morceau de voilà de ce que j'aime en ce moment? C'est pas mal ça quand même. Donc merci Hendrik qui m'a filé l'album de Karsten Obarski. Sinon, bah, j'ai chopé plein de musique de jeux vidéo. Voilà, donc je vais mettre le morceau préféré à la piste 8. Attention! Thank you. Twitter, soit en chat. Chabil. Et pour finir, un morceau de sport tranquille. On va pas mettre ça. Un morceau de 5 minutes. Voilà. Super morceau de fin. Merci pour cette émission qui était un petit peu... plate, je dirais. Mais en même temps, on a écouté beaucoup de musique. Et ça, c'est important. Et puis, je vous dis à la semaine prochaine où j'ose espérer avoir un invité de marque. Ou en tout cas un invité impliqué dans la musique et dans un environnement social lié à la musique. Ça, c'est un morceau qui est sorti sur le label After Hours Prostitutes par PES. Merci à PES et Baptiste. PES participe à au flux Lapin Cult. Voilà. On peut faire des cercles sur soi et des cercles plus serrés, mais avec d'autres gens qui sont aussi des cercles, etc. Bref. Une cassette de horreur. Voilà. Mais ça ressemble plus à du sport tranquille. Merci à tous. Ouais, on va continuer un peu le stream. For those who want. Yeah.

Istanbul.